بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le premier cours de l'explication du livre du Cheikh Abd al-Salam ibn Burgess رحمه الله الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. Ce qui signifie l'ordre de rester avec la jama'a des musulmans, ainsi que leurs dirigeants, et l'interdiction de se séparer d'eux. Le cheikh, il commence son livre par une introduction. Donc il dit « Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. » فقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم الجماعة فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها فما أحبه لنفسه أحبه لهم وما كرهه لهم كرهه لهم وما كرهه لها كرهه لهم يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم ناصح لهم محام عنهم سلما لأحبابهم حربا على أعدائهم هم جسد واحد وهم قطعة منه. وفي مقابل هذا التأكيد من الشارع الحكيم بلزوم الجماعة جاء النهي الأكيد أيضا من الشارع الحكيم عن مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها والافتيات عليها. وما هذا الاهتمام من الشارع بأمر الجماعة إلا لبالغ أهميتها وكبير قدرها وعظيم نفعها إذ هي رابطة المسلمين إذ هي رابطة المسلمين قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها فيها يعبد المسلم ربه آمنا ويدعو إليه تعالى مؤيدا أو مؤيدا المستضعف في كنفها قوي والمظلوم في ظلها منصور والعاجز في محيطها معان. ونظرا لأهمية الحديث عن موضوع الجماعة والتذكير بفضلها والتحذير من مفارقتها استعنت بالله تعالى في إعداد هذه الرسالة الوجيزة بيانا للحق ونصحا للخلق، وقد اجتهدت في اختصارها وتحريرها رجاء أن يعم نفعها ويكثر المستفيدون منها، وأسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه الكريم خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم، نعم، في سنة 1418 الشهر الرابع واليوم الرابع. Donc ici le cheikh il explique dans son introduction après le basmala. Il dit donc louange à Allah et paix et bénédiction sur le messager et sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui sont avec lui. Et ensuite il dit et le législateur sage, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à tout croyant en Allah et au jour dernier de rester avec la jama'a. La jama'a, et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie par la suite, parce que c'est le sujet du livre. Donc le premier chapitre, c'est pour expliquer la réalité de ce que signifie la jama'a dans le Coran et dans la sunna. Et donc il explique qu'il faut rester avec la jama'a, c'est le corps des musulmans. La jama'a, c'est le corps des musulmans autour du dirigeant ainsi que les musulmans qui se sont organisé autour de lui. C'est ça la jama'a. Et yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de rester avec la jama'a, de nous organiser autour d'elle, de se couvrir sous son ombre et de s'appuyer sur yani, c'est-à-dire de rester avec les gens de cette jama'a. Ce que cette jama'a aime pour elle-même, eh bien, ce qu'il aime pour lui-même, il l'aime pour la jama'a. Ce qu'il déteste pour lui-même, il déteste pour la jama'a. Ce qui lui fait du tort à lui, ça fait du tort. Hein? Yani, s'il y a quelque chose qui lui fait du tort à lui, il sait que ça leur fait du tort. Et s'il y a quelque chose qui le réjouit, il sait que c'est quelque chose qui leur réjouit aussi. Et il est sincère envers eux. Hein? Les gens qui composent cette jama'a, c'est les musulmans, il est sincère envers eux. Et il les supporte, il les protège, il les défend. Donc la jama'a, c'est la umma. Hein? C'est les musulmans au complet, d'un certain sens, parce que tous les musulmans, depuis l'époque de Adam jusqu'à la fin des temps, les croyants sont une jama'a. Hein? Tous les croyants forment une seule jama'a. Il n'y a pas plusieurs jama'at dans l'islam. Et c'est ça qu'on va comprendre dans ce livre-là aussi. Donc, il défend les musulmans de cette jama'a et il les aime, c'est-à-dire, il défend, on dit, les musulmans de cette jama'a, c'est-à-dire les musulmans en général. Et il est en paix avec ceux qui les aiment et il est en guerre contre ses ennemis. Et ils forment un seul corps. Ils forment un seul corps. Et il est une part de ce corps. Il est un morceau de ce corps. Et pour faire face à cette confirmation de la part du législateur sage, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de l'ordre de rester avec la jama'a, il y a une interdiction certaine de la part du législateur sage, Allah subhanahu wa ta'ala, de se séparer de cette jama'a. Donc, en même temps que Allah nous ordonne de rester avec la jama'a, il y a l'interdiction qui est venue également confirmer ça par l'interdiction de se séparer de la jama'a et de briser l'unité de cette jama'a et de contredire sa parole et de vouloir imposer un jugement ou d'appliquer un jugement au-dessus de l'autorité du dirigeant. Et donc, l'importance que le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, a donné au sujet de la jama'a, eh bien, ce n'est qu'à cause de son importance et à cause de sa grande valeur et à cause de son grand bienfait. Puisque c'est le lien qui réunit les musulmans. La force des musulmans dépend de la force de la jama'a. La faiblesse des musulmans dépend de la faiblesse de cette jama'a. Et c'est dans cette jama'a que le musulman adore son Seigneur en sécurité et qu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala avec un support et un soutien. Et dans cette jama'a, le faible devient fort parce qu'il est protégé par la jama'a. Et l'opprimé sous son ombre est défendu. Parce qu'il y a de la justice qui est établie justement dans cette jama'a. وَالْعَاجِزُ فِي مُحِيطِهَا مُعَانٌ. Donc la personne qui est incapable ou faible dans le milieu de cette jama'a, il va être aidé. Hein? Et à cause de l'importance de la parole au sujet de la jama'a, et il a dit le fait de rappeler également de son mérite et l'avertissement de se séparer de la jama'a, j'ai demandé l'aide d'Allah pour préparer ce petit livre résumé, pour clarifier la vérité à son sujet et pour donner le bon conseil aux créatures. Et il dit, et j'ai fait l'effort de résumer le plus possible et de bien présenter le sujet de façon claire et précise pour que le bienfait de cette risala soit plus général et pour que plus de musulmans puissent en profiter. Et je demande à Allah de faire en sorte que ce travail soit uniquement pour son visage, son noble visage, et purement pour son noble visage, et en accord avec la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et mon succès ne dépend que d'Allah, le très haut, le très grand. Et paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et tous ses compagnons. Et c'est écrit par Abdussalam ibn Burjis Nasir, ibn Nasir al-Abdul Karim, le quatrième jour du quatrième mois de l'année Hijri de 1418. Donc le cheikh Abdussalam ibn Burjis, c'est un cheikh parmi les mashaykhs salafiyin de Riyad, si je ne me trompe pas. Il est décédé à un âge très jeune. Hein? Rahimahullah. Yani, subhanallah, et malgré son jeune âge, il a fait déjà, hein, à l'âge qu'il avait, je pense qu'il était dans la trentaine. Et il a écrit de nombreux ouvrages, il a fait plusieurs tahqiqat, il a fait beaucoup de il a laissé beaucoup de choses très très bénéfiques malgré son jeune âge. Donc ça fait partie de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un. C'est ce qu'il fait, il laisse son rappel. Et il fait en sorte que cette personne, elle puisse avoir des sadaqat jariya. Sadaqat jariya. Hein? Parce qu'on est assis maintenant dans la mosquée en train de lire son livre. Inch'Allah, il recevra encore des hasanat pour ce livre-là. Parce que on continue à en profiter et à bénéficier de la science qu'il y a dans ce livre-là. Et donc... Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à son dua. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à son dua, inshallah. Donc, on va commencer tout de suite avec l'explication du premier chapitre. Al-adillatu min al-Qur'an ala wujub al-uzum al-jama'a. L'épreuve du Qur'an. Donc, comment le livre est divisé, on va le résumer. Ok? Rapidement, la première partie du livre, c'est l'épreuve du Coran sur l'obligation de rester avec la Jama'a. La deuxième partie, c'est l'épreuve de la Sunna au sujet de l'obligation de rester avec la Jama'a. Et par rapport à ça, il a mentionné 10 ou 11 hadiths ou 11 narrations. 11 narrations qui prouvent ce principe-là. L'autre chapitre suivant, c'est la sévérité par rapport à la gravité de celui qui se sépare de la Jama'a ou qui délaisse la Jama'a. Et à ce sujet-là, il a mentionné plusieurs hadiths encore une fois. La confirmation qu'il est légiféré de combattre celui qui se sépare de la Jama'a. Il mentionne à propos de ça les paroles des ulama. Ensuite, il explique. L'autre chapitre, c'est Tafsir al-Jama'a al-Waridatu fil al-Hadith, c'est-à-dire l'interprétation ou l'explication de la Jama'a telle qu'elle est mentionnée dans les Hadiths. Ensuite, un autre chapitre, c'est Al-Mafasid al-Azima al-Mutarattiba ala Mufaraqat al-Jama'a, les méfaits immenses qui découlent de se séparer de la Jama'a. Et finalement, التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة الجماعة, c'est-à-dire l'avertissement au sujet des causes qui peuvent amener à la séparation de la Jama'a, hein, à ce qu'on se sépare ou à ce qu'il y ait une séparation de la Jama'a. Et par rapport à ça, il a mentionné 8 causes. Et donc c'est comme ça que le livre est divisé. Donc inshallah, on commence tout de suite avec le premier chapitre. Al-adillatu min al-Qur'an ala wujub al-luzum al-jama'a. L'épreuve du Qur'an au sujet de l'obligation de rester avec la jama'a. In'aqada ijma'u ahli sunnati wal-jama'a ala wujub al-luzum al-jama'a wa tahrim al-khuruj 'alayha. Na'am. Wa anna luzumaha fadila wa mufaraqatuha. ومفارقتها رذيلة وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وجاءت الآثار الكثيرة قاضية بذلك أيضا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc le cheikh il dit que il y a un consensus des gens des ulama d'Ahle Sunnati wal Jama'a. Donc en arabe le mot c'est ijma'. Al-ijma', ça veut dire en français un consensus, c'est-à-dire tout le monde a été d'accord parmi les ulama, se sont mis d'accord là-dessus. Donc quand il y a un ijma' dans l'islam, eh bien l'ijma' il est considéré comme une preuve dans la charia. C'est comme qu'est-ce que les ulama ils classifient comme étant la troisième preuve parmi les preuves de la charia. Il y en a quatre. Quatre preuves fondamentales dans la charia. C'est la première, c'est le Coran et la Sunna et al-ijma' et al-qiyas. Donc al-ijma' fait partie des fondements pour établir une preuve dans la charia de l'islam. Et ici, le cheikh il mentionne qu'il y a un ijma, na'am. Al-qiyas, si on veut le traduire, c'est yani, une analogie qu'on fait entre deux choses. Mais en particulier par rapport à l'islam, une analogie basée sur certains principes tirés du Coran et de la Sunna pour comparer entre deux choses, une sur au sujet de laquelle il y a une preuve. Du Coran et de la Sunna à son sujet pour établir son verdict, et une deuxième chose au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve explicite pour établir un verdict à son sujet, peut-être parce que par exemple c'est une chose qui est nouvelle ou qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une situation nouvelle ou un événement qui se produit. Donc qu'est-ce qu'on fait pour savoir son jugement ou son verdict? Eh bien, on fait une analogie entre les deux, en cherchant le lien qui les réunit. Donc, le lien qui les réunit, c'est par ce lien-là qu'on pourra établir le verdict à propos de la deuxième chose au sujet de laquelle il n'y a pas de verdict clair, explicite dans la charia. C'est ce qu'on appelle al-qiyas. Et le qiyas, donc... c'est une des preuves de la charia. Sauf qu'on y a recours uniquement lorsque on n'a pas d'autres recours. C'est comme le tayammum. Quand il y a de l'eau, on ne peut plus le faire. Donc quand il y a une preuve dans le Coran, dans la Sunna qui est explicite et claire, on n'a pas besoin de qiyas. Donc ici, le cheikh il explique que al-ijma' c'est le consensus. Donc, si les ulama des salafs se sont mis d'accord sur quelque chose, ou si les ulama d'une époque se sont mis d'accord sur quelque chose, alors, à ce sujet-là, ça veut dire que ça, c'est un consensus. Et le prophète, il dit, « La tajtami'u ummati ala dalala. » Ma umma ne va jamais se mettre d'accord sur un égarement. Donc, ça fait partie des preuves de l'ijma. Puis, il y a d'autres preuves aussi à ce sujet. Donc, le cheikh, il dit donc que l'ijma a été établi chez les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a qu'il est obligatoire de rester avec la Jama'a des musulmans. La Jama'a des musulmans, c'est les musulmans à la base qui sont réunis autour d'un dirigeant. Vous savez que dans l'islam, en principe, les musulmans sont supposés d'être dirigés par un seul dirigeant, c'est-à-dire que toute la umma, comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'était à l'époque de Abu Bakr et de Omar, de Uthman, de Ali, jusqu'à un certain moment dans l'histoire, il y avait un seul dirigeant pour toute la umma. C'était pas comme aujourd'hui par exemple où il y a plusieurs pays et que chaque pays a son dirigeant, et chaque dirigeant est indépendant l'un de l'autre. Ça, c'est arrivé plus tard dans l'histoire de la Ummah, lorsqu'il y a eu des divisions, et lorsque les musulmans se sont affaiblis, et aussi lorsque la Umma est devenue très très très grande. Et tellement l'expansion était grande que parfois ça devenait difficile de communiquer les ordres d'une région jusqu'à une autre. Hein? Si par exemple le khalifa il était à Bagdad, en Irak, et puis il veut envoyer un commandement ou un ordre, par exemple, au Maghreb ou bien dans d'autres endroits qui sont loin, ça prenait beaucoup de temps. Hein? Donc ça fait que les régions qui sont très éloignées deviennent presque indépendantes de la capitale parce que il y en a à cause des distances à l'époque. Et il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont joué en ce sens-là, qui fait que les pays musulmans se sont divisés et que chaque pays musulman a eu son propre dirigeant et chaque région est devenue indépendante l'une de l'autre. Sauf que à l'origine et à la base, tous les musulmans s'étaient dirigés par un seul dirigeant. Donc c'est ça à la base, la jama'a, c'est la umma au complet. Sauf que les ulama, lorsque les divisions se sont produites et que les états sont devenus chacun indépendants l'un de l'autre pour différentes raisons, eh bien les ulama ont émis des fatwas dans ce cas-là pour expliquer que, étant donné que c'est comme ça et que c'est devenu une réalité, chaque dirigeant dans la région où il est dirigeant a le rôle du khalifa et les responsabilités du khalifa, et les musulmans, hein, les musulmans ont l'obligation de leur obéir, comme ils ont l'obligation d'obéir au khalifa des musulmans. Hein? Et que dans chacun de ces pays-là, la jama'a, c'est ce dirigeant-là et ceux qui sont autour de lui. Donc ça veut dire que les ulama, ils ont appliqué tous les hadiths qui parlent de la jama'a au fait d'écouter et d'obéir le dirigeant qui est dans leur pays. Et qu'ils ont une allégeance à ce dirigeant et donc ils doivent ne pas se séparer de cette jama'a et encore moins se rebeller contre leurs dirigeants respectifs. D'accord? Donc, il y a un consensus sur l'obligation, hein, de rester avec la jama'a et l'interdiction de se rebeller ou de sortir contre cette jama'a. Et dans le fait de rester avec cette jama'a, il y a un mérite. Et dans le fait de se séparer de cette jama'a, il y a quelque chose qui est bas et qui est mauvais. Et les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là sont très nombreuses. Et le cheikh, il emploie le terme mutawatir, ou bien mutawatira. Ça veut dire que les preuves sont tellement nombreuses sur ce sujet-là que c'est impossible qu'ils se seraient mis d'accord pour mentir là-dessus. Parce qu'il y a trop de preuves. Et il dit وجاءت الآثار الكثيرة قاضية بذلك أيضا. Et également, les narrations, de nombreuses narrations sont venues trancher et juger, hein, sur cela de cette façon également. Et par exemple, il y a les hadiths, hein, de Al-Bukhari et Muslim et de plusieurs autres parmi les savants hadiths qui ont réuni des hadiths sur le sujet. Et puis ça fait partie des hadiths que j'avais rassemblés à ce sujet-là. Ça fait partie d'un petit nombre d'entre les hadiths qui parlent de ça. J'en ai mis dans ce livre-là 46 seulement. Parce que sinon, il y en a beaucoup plus que ça. Et donc, le cheikh, il cite comme preuve le premier verset qu'il a mentionné. C'est le verset dans Surat Al-Imran, le verset 103, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Voilà, tafarraqu. Et le verset au complet, on l'a lu dans le tafsir de Surat Al-Imran, hein, avec les cours de Cheikh Al-Fawzan. C'est le hadith au complet qui dit: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah ensemble et ne vous divisez pas. Hein? Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis avant l'islam. Hein? Et c'est lui qui réconcilia vos cœurs par le tawhid, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Par son bienfait, c'est-à-dire l'islam, vous êtes devenus des frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Donc, ça fait partie des exemples. Et il y a d'autres versets aussi, mais là, le cheikh, il a cité celui-là en premier. Maintenant, il va mentionner quelques exemples dans le tafsir de l'interprétation de ce verset-là. Il dit: « Qala ibn Abi Hatim, haddathana Abi. » حدثنا عمرو بن علي الصريفي الصيرفي حدثني عبد ربه ابن بارق الحنفي حدثني عليه خيرا وأثنى عليه خيرا وحدثني سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، اعطهم يا حنفي. وقال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc ça c'est un premier exemple d'un tafsir à propos de ce verset-là. Donc il dit que Ibn Abi Hatim dans son tafsir, il mentionne la chaîne avec la chaîne de transmission que Simak ibn al-Walid al-Hanafi a rencontré Abdullah ibn Abbas à Médine. Il lui a dit: qu'est-ce que tu dis à propos d'un dirigeant qui a le pouvoir sur nous, qui nous opprime, hein, qui nous traite injustement, qui nous insulte, hein, qui nous maudit, et qui transgresse contre nous dans les sadaqat, c'est-à-dire dans les dons, dans nos dons qu'on fait et qui nous prive de qu'est-ce qui nous appartient, qui nous empêche d'obtenir nos droits. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, est-ce qu'on peut les empêcher? Est-ce qu'on peut les empêcher de faire cette injustice? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Les stopper? Il a dit: la, ya Hanafi, hein? I'atihim. C'est-à-dire, donne-leur qu'est-ce qui leur appartient, les zakats, la zakat qu'ils doivent prendre ou des choses comme ça. Et il lui a dit: « Oh Hanafi, reste avec la jama'a, parce que les gens qui ont péri dans les nations qui nous ont précédés, ils ont uniquement péri à cause de leur division. » Et il dit: « N'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. » Et ne vous divisez pas. Ça, c'est la première explication et le premier exemple qu'il a cité à propos de ce hadith-là. Et qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas a dit ici? Ça vient confirmer ou ça vient en accord avec qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce sujet. Et le cheikh Abdussalam ibn Burjis, il a un autre livre qui s'appelle معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. C'est-à-dire la façon dont on doit se comporter envers les dirigeants à la lumière du Coran et de la Sunna. Et il a expliqué il y a plusieurs des règles et des principes à ce sujet-là. Ce livre-là, ici, c'est un autre livre, un autre sujet, plus spécifiquement au sujet de la Jama'a, mais c'est relié. Il y a un lien entre les deux sujets, ou entre les deux livres. Donc, j'encourage les frères à retourner à ce livre-là, le comportement envers les dirigeants. Donc, la deuxième explication, deuxième tafsir qu'il a cité, il dit « وقال ابن عطية في تفسيره واختلفت عبارة المفسرين في المراد بهذه الآية بحبل الله فقال ابن مسعود حبل الله الجماعة وروى أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال فقال فقيل يا رسول الله وما هذه الجماعة قال فقبض يده وقال الجماعة وقرأ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا. Okay, donc dans le tafsir de Ibn Atiyah, il dit les explications des savants de tafsir sont diverses et il y a des divergences ou des différences entre les mufassirin sur ce qui signifie le terme ou l'expression Hablullah, le câble d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit le câble d'Allah signifie la jama'a. Hein? Et littéralement, le mot jama'a, ça veut dire le groupe. Hein? Le jama'a, c'est un ensemble de personnes ou un groupe de personnes qui sont réunies. C'est ça le jama'a. Hein? Même le mot jama'a vient du verbe jama'a yajma'u, qui veut dire de réunir ou de rassembler, hein? Ou de regrouper. Hein? Donc, c'est l'ordre de rester uni, hein? De ne pas se diviser. Donc, al-jama'a, c'est le corps, le groupe qui est réuni. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud dit que la jama'a, c'est ça. Le câble d'Allah, c'est al-jama'a. Il dit que Anas ibn Malik, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les fils d'Israël se sont divisés en 71 sectes et que cette umma va se diviser en 72 sectes et elles sont toutes en enfer excepté une. Alors, on a demandé au messager d'Allah, quelle est cette secte unique qui ne va pas, qui ne va pas en enfer. Alors il a dit, il a tenu sa main, il a fermé sa main comme ça, puis il a dit al-jama'a, il a lu le verset, il a dit al-jama'a, il a fermé sa main comme ça pour faire comme un point, et il a dit al-jama'a, wa'atassimu bihablillahi jami'an, c'est-à-dire c'est le groupe, c'est le fait de rester ensemble, regroupé, et il a dit cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Ensemble. Donc ça veut dire que la jama'a, c'est le câble d'Allah. وقال ابن مسعود في خطبته عليكم جميعا بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il a dit dans sa khutba, restez tous avec l'obéissance au dirigeant et la jama'a. Le fait de rester unis autour du dirigeant, parce que c'est ça le câble d'Allah que Allah nous a ordonné. Hein? C'est ça le câble d'Allah que Allah nous a ordonné. Donc, ça c'est un autre exemple. Et il dit, وَقَالَ قَتَادَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِالْإِعْتِصَامِ بِهِ هُوَ الْقُرْآنِ. Donc, Qatada, lui, il a dit, le câble d'Allah, que Allah nous a ordonné auquel Allah nous a ordonné de se cramponner, c'est le Coran. Donc, le câble d'Allah, c'est aussi le Coran. Wa qala as-Suddi, Hablullahi Kitabullah. Un autre parmi les savants de tafsir, as-Suddi, Il a dit, le câble d'Allah, c'est le livre d'Allah. D'accord? Il dit, وَقَالَ أَيْضًا إِبْنُ مَسْعُودٍ وَالضَّحَّاكِ قَالَهُ أَيْضًا إِبْنُ مَسْعُودٍ وَالضَّحَّاكِ. Donc, Ibn Mas'ud, on dit la même chose, ainsi que Al-Dahhak, un autre parmi les tabi'in, parmi les ulama de tafsir. Il a dit aussi que le câble d'Allah, c'est le livre d'Allah. وَقِيلَ غَيْرَ هَذَا مِمَّا كُلُّهُ قَرِيبٌ مِنْ بَعْدٍ. Donc, le câble d'Allah, il y a d'autres paroles aussi qui ont été mentionnées à ce sujet-là, et toutes ces significations sont proches l'une de l'autre. Que c'est la Jama'a, que c'est le Qur'an, que c'est la Sunna, que c'est le messager d'Allah, que c'est le droit chemin. Tout ça, c'est des significations qui sont vraies. Et elles se complètent toutes les unes les autres, ces explications-là. Ensuite, il dit, وَقَوْلُهُ جَمِيعًا حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ وَاَعْتَصِمُوا فَالْمَعْنَى كُونُوا فِي اَعْتِصَامِكُمْ مُجْتَمِعِينَ. Donc, le Cheikh, il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « jami'an », c'est-à-dire « vous tous ensemble ». Vous tous ensemble. Donc, c'est « hal ». Quand Allah dit « cramponnez-vous », il dit « jami'an », vous tous, « bihablillah », au câble d'Allah. Donc, il dit le pronom dans « i'tasimu », il est au pluriel. Donc, c'est un ordre pour la jama'a, pour tous les musulmans. Le fait que ce soit au pluriel et que Allah dise « ensemble », tous ensemble, ça donne la signification qu'on doit être. Lorsqu'on se cramponne au câble d'Allah, réunis ensemble en même temps. C'est pas chacun qui se cramponne individuellement au câble d'Allah. On doit tous se cramponner ensemble au câble d'Allah. Et il dit, وَلَا تَفَرَّقُوا يُرِيدُ التَّفَرُّقُ الَّذِي لا يتأتى معه ائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد. Donc il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous interdit par la suite dans le verset de nous diviser, il dit wala tafarraqu. Et il dit que ça, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est la division dans laquelle on ne peut plus rien faire ensemble par la suite. Ni le djihad, ni le fait de protéger ou de défendre la religion ou la parole d'Allah. Et ça, cette division-là, c'est la division soit par les fitan, c'est-à-dire les troubles et les tribulations, ou soit la division dans la croyance. Parce que lorsqu'il y a une division dans la croyance, on ne peut plus jamais s'unir par la suite. C'est impossible. Ensuite, le Cheikh il dit, وَأَمَّا الْإِفْتِرَاقُ فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ وَالْفِقْ فَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. انتهى كلامه. يعني انتهى كلام ابن عطية رحمه الله. Donc, ici, le Cheikh il dit, tandis que la division dans les questions de fiqh et dans les choses qui découlent des fondements qui ne sont pas elles-mêmes des fondements, alors ça ne rentre pas dans ce verset-là, dans le sens que les ulama peuvent avoir des divergences dans les ijtihad, dans le fiqh, sur les sujets sur lesquels il n'y a pas de dalil explicite, il n'y a pas de preuve explicite, et ça ne va pas créer de la division, d'accord? Donc si par exemple vous allez voir que dans certaines questions qui ont rapport avec la salat ou qui ont rapport avec par exemple certaines adorations qu'on fait, il y a certains savants qui disent il faut faire ça de cette façon, d'autres qui disent il faut faire ça de cette façon. Des fois c'est basé sur des ijtihadat et les ulama ont divergé entre eux dans ces questions là parce qu'ils ont compris les versets ou les hadiths de façon différente l'un de l'autre, ou parce que certains n'ont pas accepté certains hadiths que d'autres ont acceptés, donc ils ont divergé entre eux à cause de ça, ou ils ont fait des ijtihads différents. Ça n'a pas créé de division entre eux, parce que ce n'est pas des divisions dans les fondements, et ce n'est pas des divisions dans la croyance, donc c'est hein, des divergences dans l'ijtihad. Et ça ne crée pas de division entre les musulmans. On ne se divise pas en sectes à cause de ça. Hein, et on ne se fait pas la guerre les uns aux autres à cause de ça. Donc ça ce n'est pas concerné par ce que Allah mentionne dans le verset en parlant de la divergence, de la division et de la divergence. Il ne parle pas de cette catégorie de division ou de divergence. Naam. L'ijtihad. Le qiyas et l'ijtihad, ce n'est pas exactement la même chose. Mais lorsque un savant fait un ijtihad, il peut avoir recours au qiyas. Hein? Il peut avoir recours au qiyas quand il fait un ijtihad. Bon, la question de la photo. Ouais, c'est peut-être pas le bon exemple, mais sinon je te dis par exemple, je te donne un exemple par rapport au ulama, dans qu'est-ce qui a rapport avec, par exemple, la prière, lorsqu'on prie, lorsqu'on se relève du rukou, hein, on fait Allahu Akbar, on dit Sami Allahu liman hamida, et là, il y en a, à ce moment-là, ils vont placer leur main droite sur leur main gauche. Avant de faire le sujoud, ils vont remettre la main droite sur la main gauche, debout. Et il y en a d'autres qui vont laisser les mains sur le côté, en se relevant du rukou. Cheikh Al-Albani, lui, il disait que il faut laisser les mains sur le côté. Et Cheikh Ibn Baz, lui, il disait qu'il fallait mettre la main droite sur la main gauche, quand on se relève du rukou. Les deux ont divergé sur ces questions-là. Il n'y a pas de preuve claire et explicite sur la question. Donc, ils ont chacun fait un ijtihad. Et, par conséquent, yani, on n'a pas le droit de se diviser sur ces sujets-là ou sur cette question-là. Donc, si quelqu'un, par exemple, il vient par la suite, puis il veut faire de la fitna avec un autre musulman ou un autre frère, parce que lui, il veut mettre ses mains comme ça au lieu de le mettre comme ça, alors là, on va lui dire, non, Akhi, on n'a pas le droit de se diviser sur ça. Parce que ça fait partie des questions de divergence entre les ulama sur des questions d'ijtihad. Et donc, de faire des divisions sur ça, ça c'est haram. C'est pas permis. Hein? Donc, des questions comme ça, on n'a pas le droit de se diviser pour ça. Toutefois, si quelqu'un, par exemple, il a une divergence dans l'aqida, comme par exemple un chi'i, Rafidi, il dit non. Le khalifa après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça devait être Ali. Et les autres sahaba, c'est des kuffars. Parce qu'ils n'ont pas donné le khilafa à Ali. Ça, c'est une divergence dans l'aqida. Donc, on n'a pas le droit on est obligé dans ce cas-là d'être divisé. Puisque ça, c'est des choses qui viennent en opposition avec les fondements de la religion. Donc, on ne peut pas faire comme si c'était une divergence d'ijtihad entre des ulama, puis dire « Ah, mais ça, c'est une divergence d'ijtihad, c'est pas grave, il faut quand même rester unis avec ces gens-là, même s'ils disent ça. » On n'a pas le droit d'utiliser cet argument-là, parce que ça, c'est mettre un argument hors de son contexte. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de diverger dans la croyance et dans la religion. Pourquoi dans ce cas-là, on ne va pas dire, ah, mais notre divergence avec les chrétiens et les juifs, c'est une divergence d'ijtihad aussi. Hein? Dans ce cas-là, il n'y aura plus de différence entre les religions même. Tu vas dire les hindous, ah, les hindous aussi, ils ont une ijtihad différente. Non, a'ouzou billah. Ça, c'est des divergences dans l'aqida, dans le tawhid, dans les fondements, dans la croyance, des fondements de la foi. On n'a pas le droit de laisser ça comme si c'était pas grave. Contrairement aux frères musulmans, eux, ils utilisent cet argument-là, puis ils disent la règle qu'ils ont inventée, yani نتعاون على ما اتفقنا عليه ونعذر نعذر يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Ils disent on collabore entre nous sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse sur les choses sur lesquelles on a divergé. Donc ça veut dire que s'ils ont divergé dans l'aqida, on s'excuse, c'est pas grave. T'as ton ijtihad, j'ai mon ijtihad. T'as ta compréhension, j'ai mon compréhension. Le chiite rafidi, il a cette idée. Le khariji, il a cette idée. Le soufi, il a cette idée. Hein, le qadari, le mu'tazili, il a cette idée. Chacun, il a son ijtihad. Chacun, il a son idée. On s'excuse les uns les autres, mais on collabore sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Non, ça, c'est de l'égarement total. Hein? Après, le cheikh, il dit, donc, ça c'est la fin de la citation de Ibn Atiyya. Ibn Atiyya, rahimahullah. Ensuite, il dit, le cheikh Abdussalam, Ibn Burjis, il dit, Qultu, ikhtilafuhum fi tafsir qawlihi ta'ala bihablillahi, ikhtilafu tanawu'in, l'akhtilafu tadaddin, kama ashara ilayhi Ibn Atiyya huna. وابن عبد البر وغيرهما من المحققين كما أشار إليه هنا ابن عطية وابن عبد البر وغيرهما من المحققين. Pardon? Oui, ferme, ferme. Je pensais même pas qu'elle était ouverte. Si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas su. وغيرهما من المحققين وتفسيره بكتاب الله يجمع الأقوال الواردة فيها وتفسيره بكتاب الله يجمع الأقوال الواردة الأقوال يجمع الأقوال الواردة كلها وهي ستة أقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير. Donc il dit que Cheikh Abd Salam ibn Burjis, il dit que la divergence des ulama dans l'interprétation de la parole d'Allah lorsqu'il dit cramponnez-vous au câble d'Allah, il dit ça c'est une divergence qui est une divergence dans une variation et non pas une contradiction. C'est une variation et non pas une contradiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces significations qui ont été mentionnées à propos du câble d'Allah, c'est des variations dans l'explication. C'est pas des contradictions. Le fait que le câble d'Allah soit la jama'a, ça contredit pas le fait que ce soit le livre d'Allah. Et ça ne contredit pas non plus le fait que ce soit, par exemple, la sunna. Et ça ne contredit pas que ce soit, par exemple, le droit chemin. Parce que toutes ces choses-là, c'est des synonymes ou des choses qui s'équivalent ou qui vont dans le même sens. Donc, ça vient juste rajouter plus de profondeur à la signification. Et il dit ça, ça a été mentionné par Ibn Atiyya et par Ibn Abdul Barr. Et d'autres également parmi les ulama al-muhaqqiqin dans le tafsir du livre d'Allah. Et il y en a d'autres qui ont mentionné toutes les différentes paroles, et en tout il y en a 6 parmi les paroles des ulama au sujet de la signification de Hablullah, et elles ont été réunies dans les paroles de certains parmi les mufassirin dans leur tafsir. Il dit وقد ذكر القرطبي في تفسيره قول من قال إن حبل الله هو القرآن وقول من قال هو الجماعة ثم قال والمعنى كله متقارب متداخل فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة انتهى كلامه. Donc il dit le cheikh que l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, il a mentionné la parole de ceux qui ont dit que le câble d'Allah, c'est le Coran, et la parole de ceux qui ont dit que le câble d'Allah, c'est la jama'a. Puis il a dit, et la signification de tout cela est proche l'un de l'autre, hein, sont proches, leurs paroles sont proches l'une de l'autre, et elles entrent l'une dans l'autre. Car Allah subhanahu wa ta'ala ordonne l'union et le fait d'être rassemblés, et il interdit la division. Et la division, c'est une des causes de perdition. Tandis que le fait d'être uni et d'être une jama'a, c'est le salut. Et c'est ce qui nous amène à être sauvés. Fin de la citation. Il dit, وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. انتهى كلامه رحمه الله. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, le Cheikh, il mentionne sa citation dans le kitab Minhaj al-Sunnah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que on a rapporté l'interprétation du terme du câble d'Allah, et parmi les interprétations qui ont été données au sujet du câble d'Allah, il y a les explications suivantes. Que le câble d'Allah, c'est son livre, sa religion, c'est-à-dire la religion d'Allah, le livre d'Allah, la religion d'Allah, que c'est l'islam, donc le câble d'Allah c'est l'islam, que c'est al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté, que c'est son ordre, son commandement, amruhu, que c'est son engagement ou son alliance, al-ahd, que c'est son obéissance, ta'a, et que c'est la jama'a, le fait d'être réunis et de s'unir. Donc, Ibn Taymiyyah dit, toutes ces paroles et ces interprétations ont été rapportées dans des citations, soit des sahaba ou des tabi'in parmi les savants de tafsir. Parmi les tabi'in qui les ont suivis de la meilleure façon jusqu'au jour de la résurrection. Donc, toutes ces interprétations-là et ces significations qui ont été mentionnées sont toutes bonne et authentique. Car le Coran nous ordonne de suivre la religion de l'islam. Et ça, c'est son engagement, c'est son ordre et son obéissance. Et il nous ordonne également de nous cramponner tous ensemble au câble d'Allah et à la jama'a. Donc tu ne peux pas te cramponner, on ne peut pas tous se cramponner ensemble si on n'est pas en jama'a. Donc ça implique que c'est la jama'a aussi, le câble d'Allah. Et la religion de l'islam, sa réalité c'est quoi? C'est al-ikhlas. Le fait d'être sincère et d'être pur dans nos actions et nos intentions et nos paroles envers Allah. Donc, toutes ces interprétations-là s'équivalent et sont reliées les unes avec les autres. Fin de la citation de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Le Cheikh il dit, وبهذا يعلم أن أقوالهم في تفسير حبل الله ليست متضاربة، وإنما بعضها يكمل بعضا حتى يتضح مراد الله سبحانه وتعالى. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قال في قوله تعالى ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، قال إن الله جل وعلا قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فرضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه. Donc ça c'est ce qui complète ou qu'est-ce qui termine le premier chapitre ou la première section du livre. Le Cheikh il dit, et c'est ainsi que on peut comprendre ou savoir que les paroles de ces ulama dans des salafs au sujet du câble d'Allah, elles ne sont pas contradictoires les unes les autres ou une contre l'autre, non. En réalité, elles se complètent les unes les autres pour que ce que Allah a voulu soit clarifié, hein, pour qu'on puisse comprendre ce que Allah voulait dire dans cette expression du câble d'Allah. Donc, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il a mentionné dans son tafsir, selon Qatada, rahimahullah, à propos de la parole d'Allah, wala tafarraqu, hein, ne vous divisez pas, et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous. Wadhkuru ni'matallahi alaykum. Il a dit quoi l'imam Ibn Jarir al-Tabari? Vous savez que Ibn Jarir al-Tabari, c'est un des plus anciens parmi les savants de tafsir. Et c'est un imam parmi les imams. Et un des imams parmi les imams des salafs. Et un imam parmi les imams de la religion. On appelle son tafsir le grand-père des tafsirs. Et la raison de ça, c'est parce que lui, Ibn Jarir, il a ramené les paroles des salafs dans son tafsir avec la chaîne de transmission de chaque parole qu'il a rapportée des salafs. Et c'était un mujtahid parmi les mujtahidin. Il avait même son propre madhab. La raison pourquoi il n'est pas aussi connu que le madhab de l'imam Malik ou de Shafi'i, ou de Abu Hanifa ou de Ahmad, c'est parce qu'il n'a pas été préservé comme les autres. Mais sinon, il était un grand alim mujtahid et un grand mufassir, savant de tafsir. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ibn Jarir, rahimahullah? Il dit que certes, Allah Azza wa Jal déteste pour vous la division. Et il a mentionné la division ici et il a mis en garde contre celle-ci. Et il vous l'a interdit et il a agréé pour vous l'écoute et l'obéissance et le rassemblement et la jama'a, le fait d'être unis. Alors soyez satisfait pour vous-même de ce que Allah a été satisfait pour vous si vous êtes capable. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Il n'y a pas de force acceptée par Allah. Fin de la citation de l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir جَامِعُ الْبَيَانِ عَنْ تَعْوِيلِ آيِ الْقُرْآنِ. Donc ça c'est le titre de son tafsir. جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَفْسِيرِ آيِ الْقُرْآنِ. Ok. Donc on vient de compléter le premier chapitre. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Au prochain cours, on continuera, Inch'Allah, avec le deuxième chapitre, l'épreuve de la sunnah, sur l'obligation de rester avec la jama'a. D'accord? Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a un petit point que je voulais rajouter, peut-être avant la fin, ce serait bien de mentionner ça, mais c'est que en réalité, ce principe de jama'a dans l'islam, il est extrêmement important, et parmi les gens à notre époque qui opposent ce principe, il y a des groupes parmi les groupes qui se disent musulmans, en général, tous les groupes de bid'ah. Ils sont contre ce principe, en commençant par les chiites rafida, puisque eux, ils considèrent déjà depuis le début que tous les dirigeants de l'islam, en commençant par Abu Bakr, radiyallahu anhu, puis Omar, puis Uthman, radiyallahu anhum ajma'in, ont tous été des dirigeants illégitimes selon eux. Donc, ils ont toujours été contre leur khilafa. Et ensuite, tous ceux qui sont venus après Ali, radiyallahu anhu, et qui ont dirigé la Ummah. Et eux, ils disent que leurs imams à eux, hein, c'est eux qui devaient être les dirigeants. Et leurs soi-disant 12 imams n'ont jamais été khalifa. N'ont jamais été khalifa nulle part. Donc, ils n'ont aucune autorité. Ils n'ont jamais eu aucune autorité. Malgré que plusieurs d'entre ces imams-là, c'était des gens de Ahl Sunnah, en commençant par Ali lui-même, radiyallahu anhu. Lui, il a été khalifa, et son fils Al-Hassan, il a été khalifa, mais il ne le considère pas comme un imam. Al-Hassan, il ne le considère pas comme un imam. Seulement Al-Hussein. Allahu a'lam, pour quelle raison? Et ensuite, les descendants de ceux-là. Donc, à part Ali, radiyallahu anhu, il n'y en a pas d'autres qui ont été khalifa parmi leurs 12 imams. Et en même temps, quand tu regardes ça comme il faut, tu dis, subhanallah, yani, Ali radiallahu anhu n'a jamais été avec les rafidah dans leur croyance, n'a jamais été d'accord avec eux. Et en même temps, il y a aussi les khawarij qui, eux aussi, se sont opposés aux dirigeants, donc ils s'opposent à la jama'a et qui sont contre le fait de rester unis autour de leurs dirigeants et de lui obéir et de l'écouter dans le bien. Donc, ils appellent toujours à la rébellion et la révolte et au coup d'État et ainsi de suite. Après, il y a les Mu'tazila qui sont eux aussi d'accord avec les Khawarij. Ils pensent que de se rebeller contre les dirigeants, ça fait partie de Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Hein? Et donc, ils mettent le Khuruj parmi leurs principes fondamentaux dans leur religion. Donc, ça, c'est un exemple aussi qu'ils sont sur la voie des Khawarij aussi. Et en grande partie de tous les groupes et de toutes les sectes, il y a toujours cette idée de se rebeller contre ceux qui sont au pouvoir. C'est une constante chez les gens de Bid'ah. C'est pour ça que les salafs, ils ont dit Ahlul Ahwa kulluhum Khawarij. Les gens des passions sont tous des Khawarij en réalité. Parce qu'ils se sont tous mis d'accord sur l'épée. Kulluhum ittafaqu ala saif. Donc il y a ce principe-là. Et aussi à notre époque, on a rajouté à ça beaucoup d'autres nouvelles tendances qui viennent de l'extérieur de l'islam. C'est-à-dire des idéologies et des principes et des systèmes qui viennent des kuffars, que certains musulmans ont adoptés. Et que certains musulmans ont considéré comme étant une référence pour eux. Comme par exemple, le communisme. Les communistes sont les premiers qui appellent les gens à se rebeller contre ceux qui sont au pouvoir s'ils ne sont pas communistes, pour faire des coups d'État et renverser et établir leur système. Également les démocrates, dans la plupart des pays européens où il y avait des monarchies, ces gens-là, ils ont toujours appelé à se révolter contre les dirigeants là-bas. Et maintenant, ils incitent les musulmans dans les pays musulmans à justement utiliser cette idéologie-là pour se rebeller contre ceux qui sont au pouvoir dans ces pays-là. En particulier les pays dans les pays musulmans dans lesquels il y a des monarchies. Ils appellent la population de ces pays-là à faire des partis, à se révolter, à se rebeller, à faire des manifestations. Ils veulent se débarrasser de leurs dirigeants pour remplacer par d'autres. Et également les laïcs, parce que toutes ces idéologies en réalité sont réunies. Le communisme, le socialisme, la laïcité, la démocratie, toutes c'est des idéologies que les koufars ont inventées pour opposer leurs dirigeants, opposer l'autorité dans leur société, et remplacer ces autorités-là par d'autres. Et c'est une voie parmi les voies des koufars qui est dans la même lignée et dans la même voie que la voie des khawarij parmi les musulmans. C'est pour ça que beaucoup parmi les musulmans qui sont déviés dans leur aqida et dans leur manhaj, ils ont utilisé ces idéologies occidentales pour justifier leur révolte dans les pays musulmans, puis pour en même temps essayer d'avoir le support des occidentaux contre leur révolte dans les pays musulmans, contre leurs dirigeants respectifs. Donc, c'est pour ça que il faut comprendre que nous, dans l'islam, on a une une méthodologie dans ces questions-là, on a une façon d'agir dans ces questions-là, et on n'a pas le droit de se laisser influencer ou de suivre la voie des koufars dans ces questions-là. Et c'est ça que je voulais dire pour conclure pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Oui. Donc, dans les pays où il n'y a pas, par exemple, toi, quand tu dis, par exemple, on n'est pas dans un pays musulman, c'est pour spécifier et pour clarifier encore plus, ça veut dire que nous, actuellement, on est dans des pays chrétiens ou juifs, hein, ou laïcs, ou des chrétiens, disons, chrétiens, des pays qui sont à l'origine chrétiens ou juifs. D'accord? Et c'est important de spécifier parce que à notre époque, il y a des musulmans qui disent on est dans des pays non musulmans, ils parlent des pays musulmans. Mais parce qu'ils font le takfir des pays musulmans, alors ils disent on est dans des pays non musulmans parce que pour eux, les pays musulmans sont des pays non musulmans. Parce qu'ils font le takfir des dirigeants. Donc ça, c'est très dangereux. Donc il faut clarifier bien. Et par rapport à la situation des musulmans dans des pays qui sont soit chrétiens ou juifs, il y en a des pays qui sont des kuffars asliyin, c'est-à-dire qu'à la base, ils n'ont jamais connu l'islam, ils n'ont pas de lien avec l'islam, c'est des juifs ou des chrétiens, des églises, des synagogues, il n'y a pas hein, il n'y a pas d'islam il n'y a pas une histoire, c'est pas un pays avec une histoire, avec un lien avec l'islam. Donc dans ces pays-là, qu'est-ce qui se passe? Déjà à la base, les musulmans, dans le passé, ils ne venaient jamais dans les pays comme ça. Si tu regardes avant les 100 dernières années, là, tu recules 100 ans en arrière, tu ne vas pas voir des immigrations de musulmans qui quittent les pays musulmans pour venir vivre dans des pays comme la France, l'Europe ou bien l'Amérique. Jamais! Les musulmans vont jamais vouloir faire ça. Il n'y a pas un musulman qui était dans un pays musulman 100 ans en arrière et qui va se dire « Oh, moi, je vais quitter le pays de l'islam puis je vais aller vivre chez des juifs et des chrétiens pour m'installer là-bas avec ma famille, mes enfants. » Jamais! C'est impossible! C'est impossible! Pourquoi c'est impossible? Parce que tu sais que eux, ils ont leur religion, toi, tu as ta religion. Comment tu vas aller vivre là-bas, puis tu veux quitter les musulmans? Celui qui faisait ça, c'est parce que soit il voulait quitter l'islam. Quand il voulait quitter l'islam, il quittait les pays musulmans, il s'en va vivre chez les koufars parce qu'il veut devenir kafir lui aussi. Mais aujourd'hui, à cause de beaucoup de choses qui se sont arrivées, parmi les facteurs qui ont aidé à ça, la colonisation, ok? Le fait que les koufars soient rentrés dans les pays musulmans et qu'ils aient pris beaucoup des richesses des pays musulmans, et bien ça a créé dans les pays musulmans plein de conflits, des problèmes, de la pauvreté et de manque d'organisation et de toutes sortes d'affaires qui fait que les musulmans ont eu besoin pour aller, par exemple, travailler ou aller faire des choses, d'aller chez les koufars. Puis une fois qu'ils se sont installés là-bas, ben certains d'entre eux, ils n'avaient plus envie de retourner par la suite ou ils ne pouvaient pas retourner pour différentes raisons. Et ça, c'est un des exemples, mais il y a d'autres exemples aussi, il y a d'autres raisons aussi. Et il ne faut pas oublier aussi que le facteur chez les koufars eux-mêmes, dans leur société, lorsqu'ils ont un petit peu mis de côté leur religion, ils ont eux-mêmes renié la religion chrétienne et qu'ils ont installé, qu'est-ce qu'ils appellent la laïcité. Eh bien ça, disons que c'est comme s'ils ont essayé de dire « Non, nous, on accepte tout le monde maintenant, on a besoin d'ouvriers, on a besoin d'employés pour venir travailler chez nous. » Il y a aussi eu la guerre, hein, la première et la deuxième guerre mondiale. Il y a eu, étant donné qu'il y avait la colonisation, beaucoup de pays musulmans étaient enrôlés dans cette guerre-là. Ils sont partis combattre dans les pays des koufars pour les supporter ou pour les aider eux aussi. Et il y en a qui sont restés, il y a toutes sortes de choses comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu trouves des musulmans qui viennent émigrer dans les pays non musulmans parce que pour eux, c'est là qu'il y a du travail, il y a de l'argent pour étudier, pour toutes sortes de raisons comme ça. Une fois qu'on vit dans ces pays-là, nous les musulmans, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit s'organiser pour pratiquer notre religion et pour vivre dans les règles de notre religion? Ça devient un défi. Ça devient très difficile. C'est pour ça que les ulama, ils disent, et ils le répètent tout le temps, que les musulmans, ils doivent faire la hijra. Ils doivent quitter les pays occidentaux, les pays non musulmans, pour aller yani, dans des pays musulmans. Hein? Bon, aujourd'hui, tout le monde veut venir en Europe. Est-ce qu'un musulman va aller, par exemple, vivent en plein milieu des hindous en Inde? Hein? Non. Pourquoi tu vas aller vivre en plein milieu des hindous en Inde? Ou tu vas aller vivre en plein milieu des bouddhistes ou des communistes en Chine, dans une ville où qu'il n'y a que des communistes, ou des athées, ou des bouddhistes? Donc, tu vas pas faire ça. Tu vas pas mettre ta religion à l'épreuve comme ça. Donc, tu vas pas aller t'installer chez des chrétiens non plus, ni chez des juifs. Et ça fait partie des explications. Mais sinon, une fois qu'on est là, est-ce qu'on doit obéir au dirigeant qui est kafir ici, comme un dirigeant juif ou un dirigeant chrétien? C'est sûr que le dirigeant qui est kafir, il a aucune wala sur nous. On n'a aucune wala envers lui, dans le sens que on lui doit pas d'obéissance en tant qu'un kafir, parce que le musulman, il ne peut pas avoir un dirigeant qui n'est pas musulman. Il peut seulement avoir un dirigeant musulman. Mais si tu vis ici, toi, tu rentres dans ce pays ou tu vis dans ce pays-là selon l'engagement que tu as signé avec eux. Puisque tu es rentré avec un visa, tu as signé que tu allais respecter et t'engager à ne pas faire quoi que ce soit de ce qui fait du tort à quiconque dans ce pays-là. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut respecter, surtout qu'entre les pays musulmans et les pays non musulmans, il y a des ententes diplomatiques aussi, qui fait que les musulmans doivent respecter les règles de l'islam et par conséquent honorer l'entente qui a été signée entre le dirigeant musulman et les pays non musulmans. D'accord? Donc tout ça veut dire que les ulama, ils ont parlé de ce sujet-là. Ils ont dit, tu vas écouter dans qu'est-ce qui est bien, dans qu'est-ce qui n'est pas en contradiction avec l'islam, tu obéis dans ces choses-là. Hein? Et donc c'est pour cette raison-là. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des conflits ou des problèmes ou des choses qui font du tort aux musulmans et à l'islam. Donc il faut voir ça de ce point de vue-là. Pour les gens, par exemple, qui viennent, qui sont des toulab al-ilm et ont étudié la religion, ils vont faire la da'wa, ils vont enseigner l'islam, expliquer l'islam aux gens. Eux, ils ont un devoir d'être ici et c'est pour prêcher et pour enseigner et pour faire la da'wa. Tandis que les gens du commun, parmi les musulmans ordinaires qui viennent ici, il faut que ce soit des gens, comme Cheikh Ibn Uthaymin il l'a expliqué, s'ils viennent dans des pays de kufr, il faut que ce soit pour une raison qui est permise. Soit pour des études, hein, et soit pour ou bien soit pour un traitement médical, ou soit pour un travail temporaire, ou soit parce qu'il est ambassadeur. Envoyer des pays musulmans pour travailler ici, ou des choses comme ça. Et les conditions que les ulama ont mentionnées pour que le musulman puisse venir, même dans ces cas d'exception-là, c'est que la personne, elle ait compris sa religion et qu'elle ait un certain niveau de piété qui le protège de tomber dans certains péchés, hein, et qui le protège de se laisser influencé par les choubouhats des kuffars aussi. Donc ça, c'est parmi les exemples et conditions que les ulama ont établi. Donc c'est ça. Et si tu es dans un pays musulman, ben ça, dans ce cas-là, tu écoutes et tu obéis aux dirigeants de ce pays-là, même si ce dirigeant-là, il n'est pas parfait, hein, même s'il n'est pas 100% en train d'appliquer les règles de l'islam, sauf que tu lui obéis dans le bien, hein, tant qu'il ne t'ordonne pas de faire un péché, tu lui obéis. Et si il t'ordonne de faire un péché ou quelque chose de haram, tu lui obéis pas dans le haram. Mais qu'est-ce qui est interdit? Tu lui obéis pas. Et tu essaies de faire la da'wa, tu essaies d'appeler au bien, tu essaies d'interdire le mal selon ta capacité, selon ta connaissance. Et tu essaies de réformer le mieux que tu peux la société, qu'est-ce qui est autour de toi, hein? Et de prêcher les règles et les principes de l'islam. Non, d'être une influence positive. Le principe, c'est ça, c'est que dans l'islam, on n'a pas le droit de prendre comme dirigeant un kafir. Mais ça peut arriver des fois dans certains pays musulmans, les gens ils sont un peu éloignés de la réalité de l'islam et ils ne connaissent pas la réalité du tawhid et de la religion comme il faut. Et donc, si jamais il y a un dirigeant qui est élu, qui est pas musulman, dans ce cas-là, tu l'écoutes dans le bien, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit un musulman qui prenne sa place. Et aussi, il faut que les musulmans cessent de vouloir absolument imiter les koufars et absolument faire des élections, puis des partis. Ça divise les musulmans. Et c'est de ça qu'on va parler, parce que le fait de rester uni avec la Jama'a, ça implique de rejeter tout ce qui vient diviser et créer de la division entre les musulmans. Et le fait de faire des groupes et des partis politiques et d'appeler à des élections, ça crée de la division entre les musulmans. Et ça amène à diviser la Jama'a. Et c'est pour ça que ça, ces choses-là sont rejetées en islam. Parce que les musulmans doivent être un seul parti, pas plusieurs. Hein? Et la division est interdite en islam. Donc ça, c'est important. Et il faut que les musulmans se détachent de l'influence des occidentaux, parce que c'est souvent eux qui incite les pays musulmans à adopter la démocratie. Surtout avec l'argent, parce qu'ils ont le contrôle des banques. Et les banques mondiales, parfois, ils leur donnent des prêts à condition qu'ils imposent certaines règles de leur système dans les pays musulmans. Donc, ils vont dire aux musulmans, on est d'accord de vous prêter de l'argent. Déjà, eux, ils prêtent avec riba, donc ça, c'est haram en partant. Mais en plus, ils prêtent avec des conditions. C'est-à-dire, vous devez, si vous allez, si on vous prête de l'argent, vous devez installer la démocratie dans votre pays. Vous devez faire des élections. Vous devez mettre les femmes égales à l'homme et dans tout. Vous devez ouvrir la porte à l'homosexualité. Et oui, et permettre ça. Et vous devez aussi... Allez, plein d'autres règles comme ça qu'ils imposent aux musulmans. Donc c'est comme si c'est de l'argent sale, maudit, déjà. Hein? Et des conditions très, très, très dangereuses. Donc si les musulmans ne deviennent pas indépendants de ça, ils ne vont jamais être capables de se sortir de ce cercle vicieux, de cette situation-là. En tout cas, on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.